La formation du corps d'énergie mentale, partie 2 de 2. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel, avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Le corps d'énergie mentale va modifier la structure psychique de l'individu, va l'amener à transmuter le corps astral qui était présent et prédominant chez lui par un corps mental qui va le remplacer, donc une transmutation psychique totale, donc tous les branchements que l'individu avait jusqu'alors avec des entités astrales sont progressivement défaits par l'esprit qui va pénétrer de plus en plus dans l'individu à mesure qu'il avance en fusion. Et plus que l'individu est capable d'assumer consciemment la présence de cette énergie dans sa psyché, sans sombrer dans la folie, sans devenir quelqu'un de dysfonctionnel, à mesure qu'il est capable d'en prendre davantage et à mesure qu'il est capable d'agir en conséquence avec elle. Donc, autrement dit, l'intégration se fait. Le corps d'énergie mentale altère la structure de l'aura de l'individu, c'est-à-dire le champ d'énergie qui l'englobe. Donc, au lieu que ce soit un champ qui est teinté d'astralité, c'est un champ avec une énergie qui devient de plus en plus forte, dense, blanche, sans coloration, sans réflexion, sans préjugés, sans dogme, dans toutes les formes qui étaient satellites de la psyché de l'individu, issus des plans astraux, sont progressivement éliminés et nettoyés par l'énergie mentale qui remplace l'énergie astrale qui, jusqu'alors, habitait l'individu. Cette nouvelle structure d'énergie, donc le corps d'énergie mentale, eh bien, c'est un corps d'énergie qui ne peut pas être perçu et évalué adéquatement par des gens qui n'ont pas ce corps d'énergie. En ce sens que si, par exemple, un médium rencontre un individu qui a un corps d'énergie mentale, eh bien, le médium qui procède de l'énergie de l'astral, eh bien, ne sera pas capable d'interpréter les données qui sont dans son aura parce qu'il ne pourra pas l'apercevoir. Étant donné qu'il n'aura pas la capacité de déchiffrer l'information n'étant pas doté d'une structure énergétique mentale. Ce qui fait en sorte que s'il ne procède que du niveau astral, il ne peut pas voir, par exemple, c'est quoi le plan de vie de l'individu, son destin. Il ne peut pas décrypter l'information comme il peut le faire chez un autre individu qui a un niveau d'évolution égal ou inférieur à lui, c'est-à-dire qui n'a pas encore développé le corps d'énergie mentale. Donc, autrement dit, l'information lui est voilée. Par contre, l'individu qui développe le corps d'énergie mentale, qui a réussi à intégrer l'énergie de l'esprit, il va être capable, par exemple, de faire une lecture du médium en fonction de son besoin. Tout ça pour mentionner que l'individu qui développe le corps d'énergie mentale a une interface psychique qui lui permet de percevoir celui qui est habité par le plan astral, alors que le contraire n'est pas vrai. Et ce phénomène-là est comparable à ce qui est observable dans le domaine de l'informatique. Par exemple, il y a l'arrivée sur le marché d'un nouveau logiciel. Le nouveau logiciel informatique permet de lire des documents enregistrés en fonction de l'ancienne version qui existait jusque-là, par exemple pour le domaine du traitement de texte, donc de l'écrit à l'ordinateur, et alors que l'ancienne version de traitement de texte ne peut pas être capable de lire les fichiers qui ont été créés en fonction de la nouvelle version, mais ne peut que lire que les versions de fichiers antérieures à sa création. Donc, autrement dit, celui qui fonctionne sur le plan astral tôt ou tard va être plafonné et va être limité dans son développement à la différence de celui qui accède au plan mental qui aura éventuellement la capacité de comprendre celui qui évolue sur le plan astral et qui évolue aussi sur le plan mental, alors que l'inverse n'est pas vrai. C'est ce qui fait que l'individu qui développe le corps d'énergie mentale est capable de comprendre celui qui ne l'a pas et est capable de faire preuve aussi d'une forme d'indulgence face à la situation en devant accepter le fait qu'il comprend des choses que certaines personnes ne comprennent pas et qui ne sont pas équipées psychiquement pour comprendre. Il doit être en mesure de respecter le rythme de développement de l'autre personne pour ne pas lui imposer ou présenter des choses d'une manière prématurée qui pourrait bouleverser inutilement son développement psychique. La personne qui développe le corps d'énergie mentale et par rapport au processus, ça doit être détaillé ici. C'est que l'énergie circule à travers l'individu comme un canal et l'individu est comparable à un ballon, ce qu'on appelle en québécois une balloune. Donc, un élément qui est en caoutchouc, qui peut se gonfler. Et puis, la façon que le processus se fait, c'est que l'individu, l'ego, peut se gonfler, intégrer à l'intérieur de lui, non pas de l'air, mais de l'énergie de l'esprit, à une certaine quantité, sans qu'il éclate. En ce sens que si on prend un ballon qu'on gonfle, au début on commence à gonfler, on voit qu'il y a de l'espace. Ensuite, il est moyennement gonflé, on ressent progressivement une tension qui s'installe. Parce que les parois ont une capacité d'expansion, mais elles sont quand même limitées par la forme de l'ego. Ou du ballon. Et s'il y a trop d'énergie qui entre en même temps, eh bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que la surface se dilate, se dilate, se dilate, puis à un moment donné, elle ne peut plus se dilater, elle a atteint le maximum d'expansion qu'elle pouvait prendre compte tenu de la forme, et qu'est-ce qui arrive? Elle éclate. Donc, à un moment donné, s'il y a trop d'air qui est mis dans un ballon, le ballon va éclater. Et c'est un petit peu le même phénomène qui peut se produire chez un individu. C'est pour ça que l'esprit doit ajuster sa quantité d'énergie qu'il investit chez l'individu pour pas qu'il l'éclate. Parce que s'il est confronté à trop d'énergie en trop peu de temps et il n'est pas capable de gérer ça, ben, ça occasionne des chocs de vie qui sont extrêmement grands. Surtout que si l'individu, lorsqu'il est confronté à cette énergie-là, s'ouvre et est en même temps ouvert au plan astral, eh bien, le plan astral peut vouloir faire interférence et habiter l'individu en bénéficiant de l'espace pour tirer avantage de son ignorance, de sa naïveté et l'amener à éclater dans le sens de sombrer dans la dépression ou faire une crise émotionnelle ou autre. Normalement, lorsque le processus est géré intelligemment par l'esprit, eh bien l'esprit amène de l'information en fonction de la capacité de l'individu à la contenir, donc à prendre le maximum d'expansion, donc de supporter le maximum de tension psychique, parce qu'il ne faut pas se cacher que la présence de l'énergie de l'esprit crée une tension entre lui et l'ego, parce que ça amène l'individu à se détacher des processus égoïques à partir duquel il fonctionnait jusqu'alors. Donc, autrement dit, l'individu doit accepter le fait, par exemple, qu'il va arrêter de fonctionner en fonction de mémoires se rattachant du passé strictement pour fonctionner de plus en plus en fonction d'une intelligence créative qui se manifeste dans le vide. Donc, la personne doit être capable, lorsqu'elle vit ce processus-là, éventuellement de prendre la parole sans texte, sans support informationnel, pour canaliser directement l'esprit sans s'appuyer sur des formes passées pour se sécuriser, ce qui est tout un défi lorsque la personne n'est pas habituée de faire ça. Donc, l'esprit amène une modification comportementale en relation avec l'intégration de son énergie. C'est pour ça que ça doit être calibré, ajusté, parce que s'il n'y a pas assez d'énergie, ben, l'ego reste inintelligent de l'esprit. Il ne bénéficie pas de son intelligence créative, de sa créativité. Et si Au contraire, il y a trop d'énergie qui est présentée en peu de temps, bien, l'individu va vivre une fatigue psychique liée à l'intégration de l'énergie nouvelle qui amène un délogement des mémoires anciennes qui faisaient obstruction à son évolution, qui amène l'individu à délaisser aussi de l'énergie astrale. Quoique pendant le processus d'ouverture psychique, il peut se glisser des entités astrales et des interférences qui peuvent profiter de la porte ouverte qui se fait lorsque l'individu s'ouvre à l'invisible et qu'un canal s'établit entre lui et l'invisible. Donc, il y a des interférences qui peuvent se présenter, comme il pouvait en avoir déjà d'ailleurs là, dans le passé. Ce n'est pas nécessairement nouveau, mais l'ouverture qui se fait dans sa psyché est propice à un contact avec une multitude d'entités. Donc, le corps d'énergie va se développer en fonction du rythme d'intégration chez l'individu de l'énergie de l'esprit qui est transmutée. Donc, autrement dit, l'énergie qui provient à l'état pur de l'esprit passe à travers l'âme et devient une énergie unifiée entre les deux qui amène un investissement de plus en plus grand dans la psyché de l'individu de cette nouvelle conscience qui fait en sorte que progressivement le taux vibratoire de l'esprit, qui était très distinct de celui de l'âme, devient de plus en plus proche de celui de l'âme qui se voit rehaussé de cette situation de fusion, alors que l'individu connaît la descente de l'esprit en lui et l'âme s'élève. Donc, vous voyez que les deux éléments se rejoignent pour éventuellement qu'il y ait un seul taux vibratoire unitaire entre les deux. Le nouveau corps d'énergie va donner des capacités à l'être humain qu'il n'avait pas autrefois, des capacités de voyance par rapport aux autres, par rapport à l'avenir. Et ce corps d'énergie va stabiliser le corps physique, le corps émotionnel et le corps intellectuel parce que c'est une structure énergétique qui va amener de plus en plus une paix dans le mental de l'individu, un calme de plus en plus présent et une gestion de plus en plus intelligente et consciente dans la vie, que ce soit sur le plan amoureux, dans les loisirs, au travail, avec les membres de la famille, pour réorganiser progressivement la vie de l'individu qui va agir en fonction de ce dernier. Ça occasionne des deuils chez l'ego. Ça peut être des modifications de comportement liées à son alimentation, liées à ses relations avec ses proches, liées à son travail, ainsi de suite. Donc, ça amène des changements pour favoriser justement l'enracinement de plus en plus grand du corps d'énergie dans la matière d'une manière adéquate. Et si l'individu présente des résistances face au changement sur le plan de l'ego, bien, à ce moment-là, ça crée des tensions et s'il craque sous le changement, bien, ça peut créer des états de dépression. Donc, l'individu doit s'ajuster adéquatement au changement tout en amenant sa contrepartie cosmique, l'esprit, s'ajuster à lui. D'où la négociation et le rapport de force entre les deux, parce que ce n'est pas unidirectionnel. Parce qu'une fusion réelle ne peut pas être intégrée d'une manière unidirectionnelle parce que, à ce moment-là, l'individu, en tant qu'ego, ne développe pas une intelligence qui va être capable d'accoter celle de son esprit. Parce que plus qu'il intègre la vibration de son esprit, plus qu'il devient intelligent, puis éventuellement aussi intelligent que son propre esprit, ce qui lui permet d'être à son niveau.